إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى ونكمل تفسير سورة الكهف، وبالأخص قصة أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية الذين لجأوا إلى كهفهم فرارا من قومهم. وقد ذكرنا في الجمعة الماضية كيف حفظ الله تبارك وتعالى أجسادهم عند نومهم، وأن الله عز وجل أمر الشمس أن تنحرف يمينا وشمالا عند الغروب وعند الطلوع، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كان يقلب أبدانهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تلصق بالأرض، وكيف أن الله عز وجل جعل أمام الكهف كلبا باسطا يديه حتى لا يدخله لص أو سارق. ثم ذكرنا أنهم استيقظوا من نومهم فتساءلوا بينهم كم لبثوا في ذلك الكهف، ثم فوضوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ثم أرسلوا واحدا منهم وأعطوه دراهم ليشتري طعاما إلى المدينة، وقد وقفنا إلى ذلك. Nous continuons alors l'explication et l'exégèse de Sourate la caverne, et de façon plus précise, l'histoire des gens de la caverne. Et on l'avait vu durant le discours dernier, comment Allah Azza wa Jal a préservé ces jeunes gens dans leur caverne, lorsqu'il ordonnait au soleil de se dévier à droite lorsqu'il se levait, et de se dévier à gauche lorsqu'il se couchait, afin d'éviter que la lumière du soleil ne vienne porter atteinte à ces jeunes gens qui étaient dans leur sommeil profond. Et comment Allah Azza wa Jalla a préservé également leur corps en faisant en sorte qu'ils se tournent tantôt sur le côté droit, tantôt sur le côté gauche, afin que leur corps ne se colle pas à la terre, car un corps qui reste longtemps sur terre, eh bien celle-ci l'absorbe et se colle à lui. Et comment Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'un chien se mette à l'entrée de cette caverne, pattes étendues, et ceci pour empêcher tout voleur ou personne mal intentionnée de pénétrer dans cette caverne. Et nous avons vu également comment ils se sont réveillés et la question qu'ils se sont posées, à savoir combien de temps ils avaient dormi, et ils se sont mis d'accord en fin de compte à dédier ou à remettre cette science à Allah subhanahu wa ta'ala, car lui seul subhanahu wa ta'ala était parfaitement connaisseur de la durée exacte de leur sommeil. Ils ont ensuite décidé d'envoyer l'un d'entre eux en lui donnant de l'argent afin qu'il aille acheter de quoi se nourrir en ville. ثم قال تبارك وتعالى وكذلك عثرنا عليهم وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. كذلك عثرنا عليهم أي الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد وقدر أن يطلع أهل المدينة على أخبار الفتية، وكان في ذلك حكمة. ما هي الحكمة؟ ليعلموا أن وعد الله حق. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أهل المدينة أحاطوا واطلعوا على هؤلاء الفتية بسبب العملة التي كانت عند ذلك الشاب، فكانت عملة قديمة جدا، يعني قديمة من 300 سنين، فأهل المدينة ما كانوا يعرفون هذه العملة، ولذلك ألفظ هذا الشاب أنذارهم، وكان سبب ذلك أن علم أهل المدينة بشأن هؤلاء الفتية. ما هي الحكمة؟ قال الله تعالى ليعلموا أن وعد الله حق، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد فلا يخلف وعده أبدا سبحانه وتعالى، وأن الساعة لا ريب فيها. كيف تعلمون أو كيف يعلمون أن الساعة لا ريب فيها؟ من أدلة بعث الموت، من أدلة البعث من النوم واليقظة بعده، أنت تنام فتموت وتستيقظ فتبعث، فهذه من أدلة إمكان بعث الموتى من قبورهم يوم القيامة، فكل الناس ينامون فيموتون، فالنوم كما يقال أخو الموت. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فسمى الله تبارك وتعالى في هذه الآية الموت وفاة واليقظة بعده بعثا. ثم قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد جاءت السنة النبوية تبين ذلك أيضا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه، أي إذا أراد أن ينام صلى الله عليه وسلم، قال باسمك اللهم أموت وأحيا، يريد بالموت النوم ويريد بالحياة اليقظة بعد النوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فمن حكمة بعث أصحاب الكهف من نومهم أن يستدل الناس على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور سبحانه وتعالى. Puis Allah عز وجل a dit, et c'est ainsi que nous les avons fait découvrir. Allah عز وجل a décrété que les gens de la ville allaient découvrir le sort de ces jeunes gens. Et il y a derrière cela une sagesse. Et certains savants ont dit qu'ils ont été découverts à cause de la monnaie qu'avait en sa possession ce jeune homme, une monnaie qui datait de plus de 300 ans. Et cette monnaie a fait en sorte que les gens de la ville aient trouvé cela étonnant qu'une monnaie aussi ancienne soit encore utilisée. Et ils ont ainsi découvert et pris connaissance de ces jeunes gens cachés dans leur caverne. La sagesse, Allah Azza wa Jalla l'a dit, afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vraie. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il promet une chose, il ne trahit jamais sa promesse, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla dit également, wa anna as-sa'ata la rayba fiha, afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vraie et que l'heure viendra sans aucun doute. Comment est-ce que pouvons-nous déduire que du fait qu'il soit découvert, l'on doit déduire que la promesse d'Allah est vraie et que l'heure aura lieu sans aucun doute. Ceci est compris car Allah Azza wa Jal, comme il fait réveiller une personne qui dort, eh bien il est capable, subhanahu wa ta'ala, de faire revivre un mort. Car le sommeil est la petite mort. Le sommeil est la petite mort. Et il est dit que le sommeil est le frère de la mort. Allah Azza wa Jal a dit, et c'est lui qui vous fait mourir la nuit, et il sait ce que vous faites la journée, puis il vous ressuscite afin que vous terminiez votre durée de vie. Allah Azza wa Jal a donc appelé le sommeil mort, et il a appelé le réveil par la suite comme étant une ressuscitation ou un ressuscitement. Et Allah Azza wa Jal dit également dans un autre verset, Allah, c'est lui qui fait mourir les âmes lorsqu'elles meurent, c'est-à-dire lorsqu'elles dorment, et celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Allah Azza wa Jal, فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَ عَلَيْهَا. Allah Azza wa Jal garde l'âme sur laquelle il a décrété la mort, et il autorise et envoie l'autre, c'est-à-dire envoie l'âme vers le corps afin que la personne termine sa durée de vie qui lui a été décrite. Il y a dans cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Allah Azza wa Jal, lorsque nous dormons, garde les âmes de ceux à qui il a décrété la mort. C'est pour cela que beaucoup de gens meurent durant leur sommeil, sans raison ou sans explication claire. Des personnes qui sont en bonne santé, qui dorment comme ils ont l'habitude de dormir tous les jours, mais un jour ils ne se réveillent plus, car Allah Azza wa Jalla a gardé l'âme et ne lui a pas autorisé de retourner à son corps, car sa durée de vie est terminée. Et Allah Azza wa Jal, lorsque la durée de vie est terminée, ne rajoute pas ne serait-ce qu'une seule seconde. Il y a donc dans cela des signes pour ceux qui réfléchissent, c'est-à-dire réfléchissez, ô vous doués d'intelligence, et sachez que tous les jours vous mourrez et que tous les jours vous êtes ressuscité, une petite mort et un petit ressuscitement. Sachez que Allah Azza wa Jal, à travers cette petite mort et ce petit ressuscitement, il y a dans cela un signe qu'Allah Azza wa Jal est capable également de faire revivre les morts, même s'ils deviennent poussière, et qu'Allah Azza wa Jal les ressuscitera le jour du jugement afin qu'ils soient jugés. Et il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui prouve également que le sommeil est une mort et que le réveil est un ressuscitement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire, lorsqu'il s'apprêtait à dormir, au nom de toi, ô Allah, je meurs et je vis. Je meurs, c'est-à-dire je dors, et je vis, c'est-à-dire je me réveille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsqu'il se réveillait, louange à Allah qui m'a fait revivre après m'avoir fait mourir, et c'est vers lui que sera le retour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait également, louange à Allah qui a fait revenir mon âme et qui m'a préservé mon corps et qui m'a autorisé de faire son rappel. C'est-à-dire que la durée de vie est encore valide et que le terme n'est pas encore arrivé. Il y a donc, dans le fait que ces jeunes gens de la caverne se soient réveillés après un sommeil aussi long, il y a dans cela un signe évident et clair qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable également de faire revivre les morts et de les ressusciter, même après qu'ils soient morts, une mort réelle et concrète. Idan, لما بعث الله أصحاب الكهف من نومهم أمروا أن يذهبوا أحدهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منه ووصوه أن يتلطف في مدخله ومخرجه ولا يشعرن بهم أحدا مخافة أنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا فذهب أحدهم إلى المدينة ليأتي برزق يأكلونه فاطلعوا على أمره وجاءوا بهذا الشاب إلى الكهف ليحصلوا على إخوانه المتخلفين هناك فلما اقتربوا من الكهف سبقهم هذا الشاب ودخل على إخوانه في الغار فأماتهم الله جميعا فأماتهم الله الموت الذي كتبه على بني آدم فوقفوا يتنازعون بينهم أمرهم قالوا هؤلاء قوم صالحون قالوا هؤلاء من أولياء الله كيف ينامون 300 سنين ثم يحييهم الله هؤلاء قوم صالحون هؤلاء يجب أن نضع شيئا نحفظ عليهم ذكراهم وسيرتهم قال تعالى إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا أي بنيانا يكون عليهم أثرا من الآثار ومزارا من المزارات التي يزورها الناس من بعد موتهم قال الذين غلبوا على أمرهم والغلبة تكون للسلطة لنتخذن عليهم مسجدا. Donc lorsqu'ils ont envoyé l'un d'entre eux muni de monnaie afin de leur apporter de quoi manger, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'ils soient découverts et qu'également les frères et ses frères qu'il a laissés dans la caverne soient aussi découverts. Et lorsqu'ils se sont dirigés en compagnie de ce jeune homme vers la caverne pour aller à la rencontre du reste des jeunes, le jeune qui les accompagnait les a précédés et est rentré dans la caverne avant eux et Allah Azza wa Jal les a leur fait tous mourir. Allah Azza wa Jal a cette fois-ci fait mourir tous ces jeunes gens dans la caverne, la mort réelle, la mort qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée pour chacun des êtres humains. Ils se sont alors, c'est-à-dire les gens de la ville, sont restés devant la caverne et ont constaté la mort de ces jeunes gens. Et ils ont dit, ce sont des personnes pieuses, ce sont des personnes saintes, ce sont des personnes vertueuses. Comment peuvent-ils dormir plus de 300 ans et ensuite Allah Azza wa Jal les fait réveiller? Ceci prouve que ce sont des personnes qui sont rapprochées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont donc dit, ubnu alayhim bunyana, construisez à côté d'eux un édifice qui sera un lieu de visite par la suite, un lieu de visite par la suite pour que leur histoire ne soit pas oubliée et pour que la mémoire de ces jeunes gens soit préservée. Et ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les gouverneurs, certains représentaient le gouverneur avec ces gens, ont dit « لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا » Nous allons faire sur eux un endroit de prière. « لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا وَذَلِكَ عَلَى طَرِيقَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْنُونَ عَلَى قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدٍ وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وما فيها من تصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة فاتخاذ المساجد على القبور والبناء فوق القبور محرم ولا يجوز أبدا لا يجوز أن يبنى القبر نفسه ولا أن يبنى عليه فضلا عن أن يبنى عليه مسجد يركع ويسجد لله تبارك وتعالى عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوها ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك إني أنهاكم عن ذلك. وقد جاءت السنة تبين تحريم ذلك في أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن مسعود، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعل قبري وثنا، لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعنى اتخاذ القبور مساجد له ثلاث معان: المعنى الأول الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، والمعنى الثاني السجود إليها أي اتجاه هذا القبر واستقبالها بالصلاة والدعاء، فإن هذا يعتبر من اتخاذ القبور مساجد، وكذلك بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها، كل ذلك لا يجوز في الإسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا على القبور. وقد ذكر بعض المبتدعة وبعض الضلال واستدلوا بجواز بناء المساجد على القبور، استدلوا بقصة أصحاب الكهف، وقالوا هؤلاء الناس تنازعوا، فمنهم من قال: نبنوا عليهم بنيانا، وقال الآخرون: لنتخذن عليهم مسجدا. وقالوا إن في هذه الآية دليل على أنه يجوز أن يبنى أو أن يتخذ القبر مسجدا، وهذا ضلال مبين واستدلال بالآية فيما ليس فيها. فإن في هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى كيف تنازع أهل المدينة، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هؤلاء الناس كانوا مؤمنين صالحين حتى نعتبر بقولهم؟ هل هؤلاء الذين قالوا نبنوا عليهم بنيانا هل كانوا مسلمين أو نصارى؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنهم كانوا نصارى، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم من عادتهم: إن اليهود والنصارى، أو لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحتى لو كانوا مؤمنين فإن هناك قاعدة مهمة في ديننا، وهي أن شريعة من قبلنا شريعتنا ما لم تخالف شرعنا، شريعة من سبقنا من أهل الكتاب وغيرهم هي شريعة لنا بشرط أن تكون موافقة لشرعنا. فهل بناء القبور مشروع في الإسلام؟ قال أهل العلم: تواترت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فيكفي ذلك في عدم الاستدلال بهذه الآية، كما يستدل به كثير من القبوريين والضلالة والمبتدعين، كفانا الله وإياكم شرهم. Ils ont dit: alors, nous allons construire sur eux une mosquée. Et ceci selon les préceptes des juifs et des chrétiens, car ils avaient pour habitude de construire sur la tombe de leurs prophètes et de leurs saints des constructions et des lieux de prière. Quant à notre religion, elle nous interdit cela. Aïcha radiallahu anha rapporte que lorsque Umm Habiba et Umm Salama, qui sont deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont revenues d'Abyssinie, après y être restées un certain temps, elles sont revenues et ont décrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment étaient les églises là-bas et les représentations qu'il y avait dans ces églises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cela, lorsque un homme pieux mourait au sein d'eux, il construisait sur sa tombe un lieu de prière et il dessinait ses représentations. Ceux-là sont les pires des créatures auprès d'Allah le jour du jugement. Ceux qui prennent des tombes de leurs saints et de leurs prophètes comme lieu de prière seront les pires créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Il est donc interdit de construire une mosquée sur une tombe. Il est interdit de construire quelque édifice que ce soit sur une tombe. Ceci est interdit et ne sera jamais autorisé. Il est interdit de construire sur la tombe, ni de marcher sur cette tombe, ni de prier en direction de celle-ci. Selon Jundub ibn Abdillah, radiallahu anhu, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, avant qu'il meure de 5, c'est-à-dire de 5 jours, il l'a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui vous ont précédé, prenez les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Ne prenez pas ma tombe comme un lieu de prière. Je vous interdis de faire cela. Je vous interdis de faire cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pires des gens sont ceux qui connaîtront l'heure en étant vivants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, l'heure n'aura pas lieu lorsque sur terre il y aura une personne qui dira la ilaha illallah. La fin de l'heure aura lieu, il n'y aura plus de croyants sur terre. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'heure aura lieu et les gens qui seront vivants à ce moment-là seront les pires des créatures, car aucune d'entre elles n'attestera ou ne dira même qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, et ceux qui prennent les tombes comme des lieux de prière. Et Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, ne fais pas de ma tombe une divinité qui est adorée en dehors de toi, qu'Allah maudisse tout peuple qui prenne les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Et prendre une tombe comme un lieu de prière a trois significations. Cela veut dire de prier sur cette tombe, c'est-à-dire de se prosterner dessus. Cela veut dire également de se prosterner, de prier ou d'invoquer en direction de celle-ci, mais cela veut aussi dire le fait de construire sur cette tombe. Et Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de construire sur la tombe et a interdit de s'asseoir dessus ni de prier dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith authentique, ne priez pas vers les tombes et ne priez pas sur les tombes. Ne priez pas vers les tombes, c'est-à-dire en direction d'une tombe, et ne priez pas sur une tombe. Et Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu a vu un compagnon qui priait en direction d'une tombe, et il a dit al-qabr al-qabr, la tombe, autrement dit attention, attention, tu es en train de prier sur la tombe. Et ce compagnon radhiyallahu anhu rapporte et dit, j'ai regardé au ciel, croyant qu'il m'avait dit la lune, al-qamar al-qamar. Et Omar al-Khattab radhiyallahu anhu l'a lui interdit et l'a mis en garde sur le fait de prier ne serait-ce qu'en direction d'une tombe. Et certains, parmi des gens égarés, les innovateurs et les adorateurs des tombes, utilisent comme preuve dans le Coran sur le fait d'autoriser de construire un lieu de prière sur une tombe. Ils ont dit, la preuve est dans Surat Al-Kahf. Dans Surat la caverne, Allah subhanahu wa ta'ala a cité la parole de ces gens qui étaient devant à l'entrée, et certains ont dit, nous allons construire sur eux une mosquée. Il n'y a dans ce verset aucune preuve qui viendrait soutenir l'autorisation de construire un lieu de prière sur une tombe. Ceci pour deux raisons. La première, est-ce que ces gens qui ont dit cette parole sont des croyants ou ne sont pas des croyants? Sont-ils des personnes pieuses et vertueuses? Et leurs paroles ainsi seraient un exemple à suivre? Ou alors est-ce des personnes qui ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala Et ce sont ces personnes qu'ont fui justement ces jeunes gens. Les savants ont dit que ce n'étaient pas des personnes pieuses, donc que leurs paroles n'étaient pas considérées. Et supposons même que ces personnes étaient réellement vertueuses. Il y a une règle importante en islam que chacun doit retenir, qui est que les législations de ceux qui nous ont précédés, à savoir des gens du livre, sont une législation pour nous tant qu'elles ne contredisent pas notre législation. Si cela était autorisé, alors c'était autorisé selon leur législation. Mais la règle est que leur législation est la nôtre, car tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah azza wa jalla a révélé à Jésus, ce qu'il a révélé à Moussa alayhi salam, tout ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui était existant et valide dans les législations avant nous sont une législation pour nous, à la condition que cela ne contredise pas notre religion. Car l'islam vient abroger les religions précédentes, et dans notre religion, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont innombrables, qui viennent interdire de façon catégorique le fait de construire un lieu de prière sur une tombe. Ceci est interdit et le sera jusqu'à la fin des temps. وآخرون يقولون إنكم تقولون لا يجوز البناء على القبور فها هو المسجد النبوي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقولون في هذا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها هو وأصحابه أبي بكر وعمر رضي الله عنه وهكذا بقي الأمر في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة ثم جاء الوليد بن عبد الملك في السنة السادسة والثمانين من الهجرة النبوية ووسع المسجد الحرم المسجد النبوي وأدخل في توسعته حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يكن عندئذ أحد من الصحابة حي كل الصحابة ماتوا في ذلك العام لأن آخر من مات من الصحابة هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وتوفي سنة 76 من الهجرة فذلك كان خطأ من الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه ورحمه لكن انعزل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له جدرانا مما يفصله من المسجد النبوي والدولة السعودية جعلت حراسا أمام هذا القبر ليمنع الناس من أن يصلوا مستقبلين لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون الدعاء طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يسمى ذلك بناء على القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة وانعزل بيت عائشة بجدران وحيطان وغير ذلك مما يفصله أو يفصله تماما عن المسجد النبوي. D'autres apportent une ambiguïté, à savoir, vous dites-vous qu'il est interdit de construire une mosquée ou un lieu de prière sur une tombe. Voici donc la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dites-vous? N'y a-t-il pas à l'intérieur de celle-ci la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la tombe de Omar et de Abu Bakr radiallahu anhuma? La réponse est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses deux compagnons ont été enterrés dans la chambre de Aïcha radiallahu ta'ala anha, car tout prophète doit être enterré dans l'endroit où il est décédé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé dans la chambre de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et ce n'est qu'en l'an 88 de l'Hégire, lorsque le gouverneur Al-Walid ibn Abd al-Malik a constaté le grand nombre des musulmans et a jugé nécessaire l'élargissement de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il a donc élargi la mosquée. En entrant dans cet élargissement, la maison de Aïcha radiallahu anha, qui comporte la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y avait à cette époque aucun des compagnons n'était vivant. Le dernier des compagnons à être décédé est Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, qui est décédé en l'an 76 de l'Hégire. Il n'y avait donc à cette époque aucun compagnon, car certains disent que ceci a été fait en présence de compagnons. Cela est faux. Il n'y avait aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant à cette époque. Et de plus, la maison de Aïcha radiallahu anha est restée, et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été isolée par des murs et des grillages, et l'État saoudien a mis en place des gardes devant cette tombe, interdisant aux gens d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer en direction de sa tombe, ni de prier en direction de sa tombe. C'est donc une ambiguïté qui est rejetée. Walhamdulillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وهم قائمون أمام الغار وقد وجدوهم قد ماتوا أجمعين فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فلما ماتوا وقفوا أي أهل المدينة يتكلمون في عدتهم لأنهم لم يطلعوا إلا على واحد فأخذوا يتكلمون وهم على باب الغار كم كان هؤلاء الفتية فالله تبارك وتعالى ذكر أقوالهم وأشار في الذكر إلى الباطل والصواب من هذه الأقوال قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم فاختلفت الآراء في عدد أصحاب الكهف كم كانوا منهم من قال ثلاثة رابعهم كلبهم ومنهم من قال خمسة سادسهم كلبهم ورأي ثالث سبعة وكلبهم ثامنهم فقال الله تبارك وتعالى أشار في هذه الآية إلى بطلان رأيين وقولين وصواب الرأي الثالث يقول الله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ثم قال تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يقل في هذا الرأي الثالث رجما بالغيب فلما وصف الله القولين الأوليين بقوله رجما بالغيب أشار بذلك إلى بطلان هذين الرأيين ولم يصف بذلك الوصف الرأي الثالث أشار إلى صحته ورجحانه وما هو الرجم بالغيب أي الذي يرجم بالحجر من مكان بعيد لا يصيب هدفه وكذلك الذي يتكلم بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير لا يصيب الحق أبدا فالحق هو ما قام على الدليل فمن تكلم بدليل فقوله الحق ومن تكلم بغير دليل ولا حجة ولا برهان فقوله باطل ومردود عليه. Lorsque ils sont arrivés devant la caverne et qu'ils ont constaté la mort de ces jeunes gens, ils n'avaient pas connaissance de leur nombre. Ils n'étaient persuadés que d'un, celui qui les a emmenés jusqu'à cette caverne. Et lorsqu'ils sont morts, ils sont restés devant la caverne, se posant la question, combien étaient-ils ou combien sont-ils ? Allah Azzawajal a cité les différents avis qui sont au nombre de trois et a montré de ces trois avis les deux qui sont faux et le seul qui est vrai. Allah Azzawajal dit, et ils disent, ils sont trois, le quatrième et leur chien. Et d'autres ont dit, ils sont cinq, et le sixième et leur chien, Rajman bil Ghaib, en parlant d'une chose invisible. Et d'autres ont dit, ils sont sept, le huitième et leur chien. Il y a donc trois avis. Certains ont dit, ils sont quatre, le cinquième et le chien. D'autres ont dit, ils sont cinq, le sixième et le chien. Et d'autres ont dit, ils sont sept, le huitième et le chien. Allah Azzawajal a dans ce verset montré la vérité et le faux. Lorsqu'ils ont dit, ils sont trois, le quatrième et leur chien. Et d'autres ont dit, ils sont cinq, le sixième et leur chien. Allah Azzawajal a dit, Rajman bil Ghaib, il parle de l'invisible. Et lorsqu'Allah Azzawajal a cité la vie, qui dit qu'ils sont sept et que le huitième est leur chien, Allah Azzawajal n'a pas dit Rajman bil Ghaib. Cela prouve que c'est le troisième avis qui est le vrai et le juste, et que les gens de la caverne étaient sept et le huitième, et le chien était le huitième. Que signifie Rajman bil Ghaib? Cela signifie le fait de lancer une pierre de loin. Le fait de lancer une pierre en étant extrêmement loin de sa cible. Celui qui lance une pierre, lorsque la cible est extrêmement lointaine, n'atteint pas celle-ci. De même, ceux qui parlent sans preuve, ils n'atteignent pas la vérité. Ils n'atteignent pas la vérité, ils ne l'atteindront jamais. La vérité est celle qui est reposée sur une preuve, soit du livre d'Allah, ou soit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui parle sans preuve, ni du Coran, ni de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien sa parole est fausse et est rejetée sur lui. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يعتبرون بالقرآن فإن الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فاللهم اجعلنا من الذين يتدبرون كلامك والذين يعتبرون بقصص القرآن ويأخذون منها عبرا مفيدة تكون زادا في هذه الدنيا للآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.